Chapitre 17e. En quittant Béla pour la singulière mission dont il s'était chargé, Sava gagna d'abord la ville où son maître avait si mal réussi dans ses tentatives d'information et se rendit à la station de poste dans la direction de Kiev. Voilà tout ce qu'il possédait en fait de renseignements. Aussi voulait-il d'abord aller à Kiev, quitte à revenir sur ses pas en explorant les villes intermédiaires, s'il n'avait encore rien trouvé. Le maître de poste se rappelait fort bien l'apparition subite du comte Xavier sur un cheval merveilleux. Cette apparition avait occupé l'imagination de tous ceux dans la ville qui avaient la moindre idée d'un cheval. Il se rappelait aussi que le jeune seigneur était à la recherche de deux dames, mais il n'en savait pas davantage. Tout à coup, un des postillons qui écoutait près du perron pour s'instruire souleva son bonnet et dit poliment « C'est un paysan qui avait emmené les dames. Il est venu en ville aujourd'hui, je le connais. Où demeure-t-il ? » fit Sava d'un air revêche. « Au premier rivage, sur la rivière, qu'est-il venu faire ? Je n'en sais rien. Il est reparti il y a une heure, mais je ne l'ai pas vu avant son départ. Qu'en a-t-elle ? Et vite ! » fit Sava d'un ton impérieux. « Si je puis le rattraper. À quoi le reconnaître ? Il s'appelle Kuzma. » Ainsi renseigné, Sava remonta dans la fameuse britchka et se vit bientôt sur le chemin de Kiev. Les potes des verstes se succédaient, bariolés de blanc, de rouge et de noir, sans qu'aucun des rares paysans rencontrés sur la route eût répondu au nom de Kuzma. Enfin, à l'orée d'un bois, Sava aperçut une télègue qui roulait d'une allure rapide, et dans la télègue, derrière le paysan, une dame maigre dont il reconnut aussitôt la silhouette. « Presse tes bêtes !» dit-il laconiquement au postillon, qui comprit. 3 minutes après, la britchka dépassait la télègue, et Sava dévisageait sans la moindre cérémonie la pauvre Marthe, effrayée de cette sorte d'agression. « Arrête !» cria Sava d'une voix tonnante. Le petit cheval du paysan rua si fort qu'il faillit défoncer l'équipage, mais il ne s'en arrêta que plus net, et Sava sauta sur la route avec une agilité que personne n'eût jamais soupçonnée en lui. « Bonjour, madame, » dit-il à Marthe, qui était devenue toute pâle en le reconnaissant. « Prenez la peine de monter dans la britchka et d'indiquer l'endroit où vous allez. Je vais vous y conduire. »« Jamais !» s'écria Marthe. « Jamais !» « Nous avons assez souffert. Ma fille en mourra de chagrin. Laissez-la en paix. »« Elle est malade ?» demanda Sava avec une satisfaction qui donna à sa figure une expression tout à fait macabre. « Ah, la pauvre enfant, oui, elle est malade. »« Cela me plaît, » répliqua le vieux domestique en manifestant toute la joie que pouvaient exprimer ses traits bizarres. Marthe, indignée, allait lui lancer quelques vertes apostrophes lorsque le petit cheval fit une ruade qui compromit l'équilibre de la télègue. L'ordre rétabli, Sava reprit sans se troubler. « Veuillez monter dans la britchka, madame. Sur l'ordre de mon maître, je suis venu chercher la jeune demoiselle pour être comtesse. » Les yeux de Marthe s'ouvrirent tout grands, et elle fit un geste indécis comme quelqu'un qui rêve. « Venez donc, nous perdons du temps, » grommela Sava. « La nuit va nous surprendre dans le bois, c'est ça qui nous avancera. Et le comte qui attend, malade, à la maison, je vous expliquerai tout en route. Avez-vous peur que je ne vous enlève ?» Sans bien comprendre, Marthe passa d'un équipage dans l'autre avec une sorte de terreur, comme si elle jouait au naturel un roman d'Anne Radcliffe, où les cavernes, les voleurs et les raptes à main armée semblaient les événements ordinaires d'une vie normale. Puis la britchka reprit son trot régulier pendant que la carriole du paysan se rangeait modestement derrière, de façon à ne pas perdre un atome de la poussière soulevée par les 3 chevaux et les 4 roues. Mais les paysans ne s'occupent point de cette chose infime, la poussière. Quand la britchka entra dans le village, Marthe avait compris, et des larmes, larmes heureuses, coulaient sur son visage. À son honneur, elle ne mit pas en doute d'un seul instant la sincérité des paroles du messager. Si c'eût été le majordome, elle se fût montrée moins confiante.